Le sujet, c'est le hip-hop. Don't stop, yeah. Ok, écoute ça, GBGB Blaze. Hey, tu peux mater mes clips sur MTV Bass, Bass, Bass. Écoute ça, don't stop. J'suis un rageux, un nerveux au mic. J'prends le micro, qu'est-ce qu'il y a? Tu bouges pas, tu testes pas. Ici, c'est les trois gars nerveux, grincheux. C'est pas l'époque des schtroumpfs, hey. Pikachu, c'est pas pour nous, qu'est-ce que tu parles? On est des babdous, on revient sérieux dans le mouvement. Nous, on kiffe le hip-hop, le R&B, c'est comme ça. Écoute ça. En souplesse, gras décontracté, chemise ouverte, chaîne roro. On danse, on fait des impros. On n'a pas de soucis, pas de problème, t'inquiète. T'inquiète, c'est ça le thème, pas de chrysanthème. J'te le crie haut et fort, gars. On vient mettre les compteurs, les pendules à zéro. Et j't'explique le topo, nous c'est des impros. Toujours à deux temps, trois temps, tritemps. Viens pas traiter de triton, hey. La pêche au rose, c'est pas pour nous, nous c'est plutôt au détail. Viens pas, test les canailles. De la butte en caille, en direct on te taille. Écoute la mélodie, ressens le frisson. Dès le réveil, faut que tu fasses péter le son. Écoute ça comme les psychas en otaque. Écoute le son, écoute les instruments cachés. Don't stop, ok, tu veux pas goûter la golden du babtou. Elle va t'allonger. Te coucher sur les deux genoux. Hey, on revient nerveux, sérieux. Plus rapide que Fast ou Furious. Ça va danser, Smurf est tout éclaté. Ta chenille va te lâcher. De l'iceberg, je suis la face cachée. Sur mon son, tu vas te stopper, te bloquer, t'estomaquer. Écoute, écoute ça. Il reste du place en pleura. Moi, le refrain, on l'a compris. C'est pour ça qu'on est là, on est de sortie. Écoute ça. Don't stop. Mon son est pur, mon son est fluide. Il fait danser les druides. J'avale les décibels comme une gorgée d'hydromel. J'ai un impro, je te mets un nez. J'ai pas la dégaine de Scarface. Quand t'écoutes mon son, tu te corps te fiche. Est-ce que tu biches? Fais du son lourd, du dangereux. Un truc de fou, un truc de nerveux. Je fais du son lourd qui regroupe les foules. T'as un âge, te sors un full. Je brise les glaces quand je me défoule. Hey, je reviens sur l'instru, ça fait plaisir. Je viens d'arriver, je vais pas partir. On fait du son lourd, on a des textes sensés. Appelle-nous les troubadours du rap français. Hey, faut qu'on s'impose car on est là pour la bonne cause. Hey, hey, hey. Vas-y, éclate tout, danse tout, donne tout. Hey, hey, c'est le retour des babtous.